mbugiye mu kaguriro na yiminzira afatugiye kuramutsa sokuru wawe ku imana warashazugiye gusenga ni wigeru wagara ruvuye kurabanyogo senge nifuza ko tsitara ngondo akajambo Ndagusa vyuma kajambo, dusangiri jambo, mufitia kajambo, simoni ganu jambo makajambo. Ndagusa vyuma kajambo, dusangiri jambo, mufitia kajambo. Sinoni ganu jambo maka jambo. Je suis un artiste burundais né le 20 mai 1986 à Gihosha. Je suis marié, père de famille, deux enfants. Ma femme, elle est italienne pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, bientôt, on va fêter l'anniversaire de notre mariage, 6 ans ensemble. Des projets à court terme et je me prépare de venir au Burundi au mois de juillet pour réaliser l'un de mes projets que je préfère garder en privé pour le moment. Et j'en profiterai aussi de faire la promotion de mon nouvel album Abagenzi qui n'est pas encore sorti officiellement. Et j'en profiterai aussi de faire quelques séances studio avec des musiciens qu'on collabore d'habitude. Et puis cette année, j'envisage aussi de faire un grand concert ici en Italie et organisé par la mairie de Bergamo. Ce sera un concert où je serai accompagné par des musiciens italiens et quelques musiciens sénégalais. Donc pour cette année, j'envisage de faire ça. Il y a une question que j'ai toujours envie de vous poser. Vous êtes citadin, vous êtes né à Bujumbura, vous êtes né à Gihosha, et à vous entendre, votre Kirundi est très profond. Comment est-ce que vous faites pour trouver des mots comme vous le faites? Du moins, qui ont dit avoir même vos titres, Ikiranga Missi, Akajambo. Et quand on écoute vos chansons, il y a des images, il y a des métaphores. C'est une langue qui est un peu pure. Comment faites-vous? Et puis, la suite de cette question, quelle est votre source d'inspiration? D'où trouvez-vous ce que vous nous donnez dans les chansons que vous composez? Et mon Kirundi, que je chante, ne vient pas seulement de Bujumbura. Une partie, oui, parce qu'à Bujumbura aussi, on parle de Kirundi. Une autre partie, ça vient de l'intérieur du pays, parce que j'ai une grande famille à Karuzi, à Bugenyuzi. Donc, toutes les vacances d'été, et je me retrouvais toujours là, à côté de mes oncles, à côté de mes grands-parents. Et une autre partie, ça vient de l'école parce que j'ai fait la lettre moderne. Ça m'a aidé beaucoup d'améliorer mon Kirundi, ma langue maternelle. Une autre partie, je peux dire que ça vient, sont des chansons très anciennes, que certaines chansons que les gens ne s'intéressent même pas à écouter. Les Invino, les Amayaya, les chansons avec les Ikembe, Imiduri, les Inanga. Ils sont des choses, si tu regarde dans mon iPod ou mon iPad, même mon téléphone, ce sont des chansons que j'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Tout le temps, même ici en Italie, je passe tout le temps à les écouter, à écouter ceux qui chantent. Il y a même des mots difficiles. Et j'ai un petit dictionnaire que mon oncle Marc a donné ici. De temps en temps, je regarde aussi certains mots que je n'arrive pas à comprendre. Et en général, c'est ça. Et mes sources d'inspiration, je peux dire, sont des artistes, et tous les artistes burundais, nos grands artistes, nos anciens artistes. ils sont mes sources d'inspiration. Donc, je les écoute beaucoup. Moi, ça m'intéresse, je les cherche, je les écoute et ça m'aide à composer, ça m'aide à améliorer ma langue maternelle. Ok, c'est ça. Et l'autre question, quelle est ta plus grande réalisation? Niri chakujanye, wagi utan sezeye, wagi utan eguje, niri omamvu. Niri chakujanye, wagi utan sezeye, kutandia kara. Fatimwi ndenyegeza muagiza Fata shira ingono kuzikongo nivunu musase Sinarinzi kwa ona sizi nungwa Dasangi kiziriko ama gogwa nasiga ya Natona kwimye mu buzima bwanje Naguhaye umutima wanje twasangiye byose nitakubita Voilà une chanson que je considère comme ma plus grande réalisation. C'est la chanson Nuance Ezeye. On les trouve dans mon premier album, Ikilangamis. C'est aussi cette chanson qui m'a donné la possibilité d'être parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI. Donc ça m'a rassuré encore que cette chanson est forte. Et je la trouve très très bien arrangée, quoi, tout, même le texte. Et je la vois comme une chanson qui, même d'ici 10 ans, aura encore la valeur et la qualité. J'aimerais savoir quelle est votre déception dans votre carrière musicale. Si je parle aussi de mes déceptions durant ma carrière musicale, il y en a. Et je trouve qu'ils sont des déceptions vraiment graves. Et je vais le dire, je suis désolé que tu es journaliste, mais je ne pense pas que tu es parmi ces journalistes que je vais parler, quoi. Les journalistes, là, chez nous, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais compris que le Burundi, c'est un pays qui a plein de talents, que c'est un pays où il y a des bons chanteurs, que c'est un pays où il y a des bons musiciens. Jusqu'à maintenant, moi-même, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés pour faire ma promotion. Imagine-toi, dans mon pays, avoir des difficultés de diffuser mes chansons. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes, je peux dire même amateurs. Ils sont des journalistes qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer la musique burundaise. Alors qu'au Burundi, c'est un pays plein de talents. On a beaucoup de chanteurs, on a beaucoup de musiciens, des bons musiciens. Ici, qui peuvent même aller plus loin. Je comprends pas comment dans un pays où on a plus de combien de 3000 chanteurs, comment on peut passer tout le temps à mettre la musique étrangère. Regarde que partout dans les autres pays, ça se passe seulement au Burundi jusqu'à maintenant. Ça se passe seulement au Burundi. Tous les autres, ils se concentrent sur leur chanteur, faire la promotion. D'abord, si nous-mêmes au Burundi, on ne donne pas la valeur à nos choses, qui va donner la valeur à nos choses? Personne. Voilà, moi, la déception que durant ma carrière, qui m'a même choqué, c'est ça. La façon dont les journalistes au Burundi travaillent pour la promotion des artistes, quoi. J'ai toujours dit ça, même dans les concerts. C'est pas des critiques, mais sinon on va pas. Kwa mugo more chuti more oh ikiranga misi chawe irateguye ikiranga misi chawe irateguye oh Geza ho kwiganyira Wibaza ho bukera Ubitagati mamembero Wibuku wakuremye Ea Wafisa urutonde rw'ubuzima bwawe Ehe More, more Nabwo bizokwamuko oh ni wareme wamaganya more more merci à certains journalistes qui sont en train de tout faire pour que la musique burundaise avance et je voulais inviter aussi à tous les Burundais de soutenir la culture burundaise mes salutations à tous les Burundais et tous les fans de la musique burundaise merci Nimeshafika mbele yako mpenzi Nimejitahidi kufika mapema Nimelala na mawazo ajili yako Nikiwa nawe moyo wangu watulia Shubi, shubi, shubila Shubi, shubi, shubila